Chapitre 27e. Le colonel était curieux de voir un atelier de recherche lui-même s'il était possible de tendre la main à ce garçon qui paraissait si profondément enfoncé dans le brouillé parisien. Mais d'un autre côté, la pensée de cette entrevue n'était pas sans lui causer un certain embarras. Quelle attitude prendre avec lui? Quel langage tenir? L'accueillir en cousin? Cela a été difficile, pour ne pas dire impossible. Il lui fallut ne rien savoir de lui. Lui parler sévèrement, de quel droit? Au premier mot, Anatole pouvait aussi bien se mettre à rire que se fâcher. Il était peu probable qu'il fût en disposition d'écouter un discours de morale. Et ce serait déjà quelque chose d'heureux s'il voulait bien permettre qu'on s'occupât de ses affaires. La seule bonne chance était qu'il fût sensible à une offre d'argent. Et encore, de quel poids une proposition de ce genre pèserait-elle sur lui? Ce fut seulement le lendemain de sa mise en liberté qu'Anatole se présenta chez le colonel. Il entra léger, la tête haute, le regard souriant, et il vint au colonel la main tendue. « On m'a rapporté, dit-il, la part que vous avez bien voulu prendre à ma libération, et je viens vous remercier de vos démarches, mon cher cousin. » Le colonel resta un moment interloqué devant cette aisance. « Mon cher cousin, cela était dur, et dur était le serrement de main qui avait accompagné ces paroles. » S'il avait mieux connu la vie parisienne, il aurait retrouvé dans l'attitude, le geste et l'accent d'Anatole une copie à peu près exacte, ou plutôt, comme on dit au théâtre, une imitation de Berton le Père, quand celui-ci jouait les aimables gredins. C'était le même port de tête, le même regard voilé, le même geste sec et anguleux. Mais tandis que le comédien ne pouvait jamais se débarrasser entièrement de sa distinction native, sa doublure était parfaite, des pieds à la tête. En lui, tout était naturellement gredin, et c'était la distinction qui était jouée. Avec cela, une tenue correcte, une redingote courte boutonnée, serrée à la taille, bouffant aux hanches, un pantalon gris demi-collant, des gants clairs, et dans les mains, une petite canne dont la paume d'écaille était marquée de ses initiales incrustées en or. Le colonel, heureusement pour lui, n'avait pas besoin de beaucoup de temps pour se remettre d'une surprise, fut-elle des plus vives. « Vous a-t-on prévenu, dit-il, que j'avais manifesté le désir de vous voir ?»« Parfaitement. On s'est acquitté de cette commission. Mais ne l'eût-on pas rempli que je me serais fait un devoir et un plaisir de rendre visite à mon cousin pour me mettre à sa disposition. Si je puis vous être utile, usez donc de moi, mon cher cousin. » Décidément, la parenté s'accentuait d'une façon fâcheuse. Mais le colonel ne laissa rien paraître du sentiment que cette expansion provoquait en lui. « Précisément, répondit-il, c'est pour me mettre moi-même à votre disposition que j'ai désiré vous voir. C'est ce qu'on peut appeler alors une coïncidence sympathique. « Vous savez, continua le colonel, que la fortune a favorisé le travail de mon père. Si bien qu'aujourd'hui je me trouve, moi son héritier, à la tête d'un des grands établissements industriels de l'Amérique. Vous étiez le neveu de mon père, vous êtes le fils d'un homme pour lequel mon père avait une affection et une estime profonde. J'ai donc certains devoirs à remplir envers vous. Ceci expliqué, pour justifier un concours que vous ne demandez pas, j'ai une proposition à vous faire. Vous convient-il d'accepter une position dans mon établissement ? En Amérique, sans doute. Ma foi, mon cousin, vous m'avez parlé franchement, je vais vous imiter. Et tout en vous remerciant de votre proposition, vous dire que je ne peux pas l'accepter. Ah ! Vous savez, c'est très gentil ce que vous venez de me dire là, et je vous donne ma parole que je vous en suis reconnaissant. Mais vous n'acceptez point. Quitter Paris ? Ah non ! Vous savez, il n'y a pas moyen. Je mourrai d'ennui là-bas. C'est l'exil. Mais cet exil, comme vous dites, pourrait ne pas être très long. Il le serait toujours trop. Quand même, j'en reviendrai, je serai fini. La belle affaire d'avoir une fortune quand on ne peut plus s'en servir. Je vois des gens qui s'exterminent à travailler tant qu'ils sont jeunes, se promettant de s'amuser quand ils seront vieux. Moi, ce n'est pas mon système. Le plaisir est fait pour la jeunesse, comme la jeunesse est faite pour le plaisir. Pour manger, il faut des dents. Pour sauter, il faut des jambes. Pour s'amuser, il faut toutes sortes de qualités qu'on n'a plus quand on est vieux. Voilà, mon cher cousin, pourquoi je ne peux pas accepter votre proposition. Peut-être me donnerait-elle la richesse, mais cette richesse arriverait trop tard pour que j'en profite. Ce n'est donc pas la peine de se tuer pour l'acquérir. On a toujours le temps de travailler. tandis que les années où l'on peut jouir pleinement passent vite, et il ne faut pas les laisser échapper. Le colonel ne s'attendait pas à trouver un philosophe dans son cher cousin. Il fut donc assez surpris de l'entendre débiter ce raisonnement d'un ton moqueur, mais cette fois il ne se laissa pas interloquer. « Je comprends qu'on veuille jouir de la vie, » dit-il, « mais encore faut-il qu'elle se présente dans certaines conditions. » « Est-ce pour mon arrestation que vous dites cela ? Pour votre arrestation d'abord, et puis aussi pour autre chose. » Ainsi, je croyais qu'après cette arrestation qui a fait un terrible tapage dans Paris, vous auriez intérêt à disparaître pendant un certain temps. Pour qu'on croie que je me sauve, ce serait avouer que je suis coupable. Ce serait simplement prouver que les propos tenus sur votre compte sont faux. Songez que, pour obtenir votre liberté, Raphaël a été forcé à tout dire, tout expliquer, et que ces explications commentées par des gens qui ne vous aiment pas deviennent de véritables accusations contre vous. » Anatole ne répondit pas, et le colonel crut qu'il avait touché en faisant allusion aussi délicatement que possible à sa situation auprès de la comédienne. Mais il ne tarda pas à comprendre combien était grande son erreur. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit, » fit Anatole en promenant la paume de sa main sur la boule de sa canne, « que vous aviez vu le père et que c'était lui qui vous avait demandé de m'expédier en Amérique. Ma vie déréglée gêne la sienne. » « J'ai vu votre père, il est vrai, mais c'est moi qui lui ai soumis cette idée, et non lui qui me l'a suggérée. Enfin, ça l'arrange, n'est-ce pas ? Eh bien, mon cher cousin, désolé de vous empêcher de réussir dans votre ambassade, mais je vous le répète, il n'y a pas moyen. Au reste, je ne vous en veux pas. L'intention n'était pas mauvaise. Seulement, quand vous avez eu cette idée, vous ne me connaissiez pas. Mais maintenant que vous me connaissez, dites-moi franchement, est-ce que vous trouvez que j'ai été fabriqué pour l'exportation ? Disant cela, il se leva et pirouetta sur un talon pour retomber légèrement sur son autre jambe. « Article de Paris tout pur, » dit-il en continuant, « fait pour être employé et usé à Paris. Je n'irai donc pas en Amérique et je vous suis reconnaissant de votre proposition. Mais si, comme vous le disiez tout à l'heure, vous croyez avoir certains devoirs à remplir envers moi, je suis tout disposé à me servir de votre bon vouloir dans le cas où il vous conviendrait de me le continuer. » Voulez-vous vous expliquer ? Volontiers. Le genre de vie que je mène et auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, je ne l'ai pas choisi après délibération et de parti pris, mais j'ai été amené à l'accepter parce que je ne pouvais pas en prendre un autre. Voulez-vous me permettre de vous interrompre pour une observation ? Parfaitement, ne vous gênez pas. De ce qu'on m'a dit de vous, il résulte que vous êtes un artiste de talent. C'est-à-dire que j'ai un métier aux mains, n'est-ce pas ? Celui de votre père. Mettez que j'aurais pu être un ouvrier de talent, et vous serez dans le vrai. Mais voilà précisément le mal. Puisqu'on vous a parlé de moi, vous savez que mon éducation n'a pas été celle des ouvriers du faubourg. Si bien que, quand j'étais homme, il s'est trouvé que j'étais trop artiste pour rester ouvrier, et d'autre part, que je n'avais pas assez de talent pour devenir un vrai artiste. Que faire ? Deux choses se présentaient. Se résigner à rester ouvrier, ou bien manger de la vache enragée pendant 10 ans. Étudier, travailler pour devenir artiste. Malheureusement, la résignation, ça n'est pas mon fort, et d'un autre côté, la vache enragée, je ne l'aime pas, tandis que j'aime le plaisir. C'est donc le plaisir qui l'a emporté. Il me semble que c'est bien naturel. Cependant, ah ! Je ne vous empêche pas de penser autrement. Liberté entière, je ne parle que pour moi. Seulement, je conviens volontiers que ce genre de vie que j'étais forcé de prendre a ses ennuis. Personne ne le sait mieux que moi, et vous ne pourriez m'en dire moins que ce que je vous en dirai moi-même. Et puis, où ça peut-il conduire ? Je ne puis sortir que par un bon mariage, que je ferai un jour ou l'autre, c'est certain, parce que j'ai une tête à ça. » Sur ce mot, il se regarda complaisamment dans la glace, et du bout de ses doigts, il arrangea une boucle de ses cheveux qui avait pris un mauvais pli. « Voyez-vous, continua-t-il, il y a des gens qui refont leur vie manquée avec un mariage. C'est comme ça que mon oncle Soriol s'est marié. Seulement, avec ses idées humanitaires, il a épousé une ouvrière qui a travaillé pour lui. Moi qui ne suis pas dans ces idées-là, j'épouserai une femme qui n'aura pas besoin de travailler et qui m'apportera une existence toute faite, large et facile. Seulement, quand cela arrivera-t-il ? Je vous concède que ça peut traîner, d'autant mieux que je ne serai pas arrangeant. J'ai des exigences et je n'en démordrai pas. Et c'est pour vous aider dans ce mariage que vous réclamez mon concours ? Non, non, je ferai mon choix tout seul. Et pour mener mon affaire, je n'aurai besoin de personne. Mais en attendant, je l'accepte, ce concours que vous voulez bien me proposer. Et pourquoi ? Que voulez-vous faire ? Si vous me demandiez ce que je ne veux pas faire, j'aurais plus facile à vous répondre. D'abord, comme vous devez bien le penser, je ne veux pas reprendre mon métier. J'en ai assez pour cela d'ailleurs, je n'aurai pas besoin de vous. Ensuite, je ne veux plus devenir artiste. Quand j'étais jeune, j'aurais pu me jeter là-dedans, tête baissée. On a des idées, on voit des choses qui vous entraînent. Mais à mon âge, non. Je ne donne plus dans ces balançoires-là. Je la connais, la vie des artistes, et je sais de quoi est faite leur paresse, dont parlent les bons bourgeois. On m'offrirait 10 ans de vie assurée et la gloire au bout que je n'en voudrais pas. Et pourtant, ça a été mon rêve. Combien de fois je me suis dit « si seulement j'avais 2 ans devant moi pour piocher tranquillement ». Mais c'est quand on est tout jeune qu'on rêve. Et quel âge avez-vous ? 22, d'après mon acte de naissance, mais en réalité, je suis un peu plus vieux pour l'expérience. Et c'est précisément pour cela que je ne commettrai point la sottise d'accepter un travail qu'il faut faire soi-même. Il y a assez longtemps que, de père en fils, nos mains se fatiguent. Pour moi, j'en ai assez. Et ne veux maintenant qu'une position dans laquelle je pourrais faire travailler les autres. Chacun son tour. C'est donc pour cela que j'ai besoin de vous. Et quelle position voulez-vous ? Pour le moment, je n'en sais rien. Car venant ici, je n'étais pas préparé à votre proposition, mais je chercherai. Et vraiment, il faudrait que je fusse bien maladroit pour ne pas trouver, si toutefois vous persistez dans votre offre. Je ne me retire jamais quand je me suis avancé. Je vous avais proposé un séjour en Amérique parce que je le croyais salutaire pour vous. Cela ne vous convient point. Je n'ai pas le droit de vous contraindre. Vous souhaitez que je vous aide en France ? Nous verrons. Parfaitement. Et soyez certain que vous n'aurez pas longtemps à attendre.